avoir un rhume pour venir. Tous ceux qui pensent à leur peur pour venir. Tirer le pincelier, marcher devant en grenadier, des châtaignes pour les rosiers, et empêcher les masques d'avancer. Un jour par an, au sans sèche, à Sikeo, plus grand pêche, et juste un petit peu plus bas. La famille heureuse papa, le cloque-spède de la tour, il joue pour les masques lourds. Et sur un kiosque, il y a un trappeur, le mal pour les lapeteurs. Et la mairie, une bande de biches, le ramasser, creeper pour faire un smeul. Y'a du lunch, la bête dans les chapelles. S'amuse à gratte, j'espère. Quand tu belles, agro-rip, je rap, je hip, sans club, c'est un match. Les sacs dans, derrière, devant. Yeah.